regard à gare, le cheveu en pétard. C'est 9h moins le quart, à l'arrache je prépare, je suis en retard. À la vitesse du guépard, je dévale à retard le boulevard Vaugirard. Je rapique à la gare Saint-Lazare, mais trop tard, je vois mon train qui part. De Moutard à Villard, du matin jusqu'au soir, je suis en retard. Quel cauchemar, j'en ai marre d'être en retard. On me regarde, on me regarde, car sans toquant, on est un tocard. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que ce retard, je subis sans le vouloir. Que même à la guitare, pouvoir suivre le tempo demeure aléatoire. Le pire quand par hasard, une beauté notoire est sensible à mes charmes. Je la rembarre puis je change d'avis trop tard, elle s'accapare un autre ascar. De Moutard à Villard, du matin jusqu'au soir, je suis en retard. Quel cauchemar, j'en ai marre d'être en retard. On me regarde, car sans toquant, on est un tocard. Je crie et feu départ, effacer la mémoire, prendre le temps de m'asseoir. Et comme passe temps d'avoir, que les autres avoir, mais c'est illusoire. Car dans cette histoire, le lézard, c'est que la camarde n'est jamais en retard. Au désespoir, il est rare qu'au mouroir, il y ait une échappatoire.